Au premier acte, nous sommes en 1830, 9 ans après la mort de l'empereur Napoléon Ier. Dans la villa de sa veuve, Marie-Louise de Habsbourg, 39 ans, à Baden, à 1 heure de Vienne, et son fils François, germanisé en France, 19 ans, duc de Rastatt, et tout au long de la pièce, c'est le titre qu'il porte. Jeune homme à la santé fragile, sont entourés d'une foule de personnages. Dans cet entourage, certains, tels la lectrice de Marie-Louise, Thérèse, dont le jeune duc est amoureux, ranime la flamme du héros Napoléon Ier. Mais le duc, à qui Marie-Louise reproche d'être espiègle, car il fait exprès des fautes d'allemand, réplique « Je ne suis pas un aigle ». De même, un jeune patriote romantique français, venu en Autriche dans l'espoir de ramener le duc sur le trône impérial, ranime lui aussi la flamme de Napoléon Ier. Mais le duc avoue, jeune homme, puisque comme un jeune arbre, ami que l'on transplante, emporte sa forêt dans sa sève ignorante, et qu'en souffrent au loin ses frères, souffre aussi, sans rien savoir de vous, moi, j'ai tout seul, ici, senti monter du fond de mon sang le malaise dont souffre en ce moment la jeunesse française. Le jeune homme, je crois que notre mal est le vôtre plutôt, car d'où tombe sur vous ce trop pesant manteau? Enfant à qui d'avance on confisqua la gloire, prince pâle, si pâle, en la cravate noire, de quoi donc êtes-vous pâle? D'être son fils. Oui, l'histoire à la tête nous monte, les batailles qu'on ne fait plus, on les raconte, et le sang disparaît, la gloire seule, lui, si bien qu'avec un I majuscule, il, c'est lui, maintenant qu'il fait ses plus belles conquêtes. Il n'a plus de soldats, mais il a les poètes. Quand vous me revoudrez, plus tard, une autre fois, que votre appel soit fait par une de ces voix où l'âme populaire avec rudesse tremble, moi, jeune byronienne, âme qui me ressemble, rien ne m'eût décidé ce soir, soit sans regret, car, pour être empereur, je ne me sens pas prêt. Toutefois, informé de l'histoire de son père par une danseuse, Fanny Hessler, le duc peut se permettre de mettre en difficulté l'historien d'Obernhaus, chargé par le chancelier Metternich d'enseigner au duc une histoire soigneusement filtrée et expurgée. Mais le duc, fier de ses racines corses et au mépris de ses racines autrichiennes, interpelle l'historien d'Obernhaus. « Ah oui, vous résumez. Oh, je ne développe que lorsque... Il y eut donc autre chose ? Mais quoi ? Je... Quoi ? Qu'arriva-t-il d'autre ? Dites-le-moi. Mais je ne sais pas. Votre Altesse veut rire. Vous ne le savez pas ? Moi, je vais vous le dire. Le 6 octobre 1805... Hein ? Comment ? Quand nul ne s'attendait à le voir, au moment où, regardant planer un aigle prêt à fondre, viennent se rassurer en disant « C'est sur Londres. » Ayant quitté Strasbourg, franchi le Rhin à quel ? L'empereur. Et vous savez lequel ? Gagne le Wurtemberg, le grand-duché de Bade. Ah, oh, mon Dieu ! Fais donner à l'Autriche une aubade de Clairon par Murat et par Soult de Tambour. Laisse ses maréchaux à Wartingen, Augsbourg. Remporter 2 ou 3 victoires. Les hors d'œuvre. Mais monseigneur, poursuit l'admirable manœuvre, arrive devant Ulm sans s'être débotté, ordonne qu'Elkingen, par nez, soit emporté, rédige un bulletin joyeux, terrible et sobre, fait préparer l'assaut. Et, le 17 octobre, on voit se désarmer, au pied de ce héros, 27 000 Autrichiens et 18 généraux. Et l'empereur repart. Monseigneur, en novembre, il est à Vienne, il couche à Schönbrunn, dans ma chambre. Mais il suit l'ennemi, sans qu'il l'a dans la main. Un soir, il dit au camp, « Demain !» Le lendemain, il dit, en galopant sur le front de bandière, « Soldats, il faut finir par un coup de tonnerre !» Il va, tâchant de gris l'état-major vermeil. L'armée est une mer, il attend le soleil. Il voit se lever du haut du promontoire, et d'un sourire, il met ce soleil dans l'histoire. La mort. 2 empereurs battus par l'empereur, 20 000 prisonniers. Mais je vous en supplie, songez que si quelqu'un... La campagne finit, des cadavres flottant sur les glaçons d'un lac. Mon grand-père venant voir mon père au bivouac. Que dira Metternich ? Ces gens dans ce salon ? Eh bien, pour aujourd'hui, je n'en sais pas plus long. Et dans la discussion qui suit avec sa mère Marie-Louise, Le duc reste fier de son père.